Section 7. Chapitre 17. Les amours d'Yoritomo. Cependant, nous descendons sur Kamakura. L'ancienne capitale est à peine un village. Des restes d'avenues, des portiques sacrés et un vieux temple adossé à la montagne, voilà ce qui reste de la splendeur des shoguns. Pour bien comprendre le sort de ces cités japonaises, qu'un caprice grandit, qu'un caprice supprime, il nous faut de nouveau jeter un coup d'œil dans les profondeurs troublées et sanglantes du Moyen-Âge au Japon. De même que l'Angleterre a été longtemps agitée par les partisans de la rose rouge et de la rose blanche, de même le grand Nippon a été bouleversé à plusieurs reprises par les guerriers défenseurs du drapeau blanc et par ceux qui voulaient la suprématie du drapeau rouge. Des guerres civiles interminables firent dominer tantôt l'un des partis, tantôt l'autre, et il est difficile de trouver d'autres mobiles à ces troubles incessants que des ambitions personnelles ou des vengeances de famille. Pendant ce temps, le Mikado, le descendant des dieux, était l'enjeu impérial de la partie. Les vainqueurs s'en constituaient les gardiens, le tenaient à l'écart des affaires, l'honoraient, l'annulaient, en faisaient un prisonnier sacré. Puis, quand l'autre politique avait le dessus, on délivrait l'empereur, on proclamait son droit à la liberté, on exaltait son amour du peuple, sa puissance, sa sainteté, et on le séquestrait à nouveau. Un jour, le parti blanc représenté par Minamoto, qui tenait le pouvoir, fut vaincu, taillé en pièces, poursuivi à outrance. Le jeune Yoritomo, encore imberbe, fuyait avec son père et ses frères, suivi de quelques serviteurs. La neige les surprit pendant la route, les chevaux ne pouvaient plus avancer, les chemins disparaissaient à chaque instant, et il fut bientôt impossible de se reconnaître. Séparé des siens par la tourmente, Yoritomo s'égara et fut obligé de continuer seul sa route. Un soir, complètement perdu, il arriva sur le bord de la mer, à Kohi-Raiyama. Un pêcheur, comprenant que le voyageur n'était pas d'une race ordinaire, l'accueillit avec beaucoup de déférence et lui donna l'hospitalité. Ici, la tradition japonaise offre une analogie curieuse avec ce que les racontars des Grecs nous ont appris du fils de Pelée. On se souvient qu'Achille, ayant été menacé par l'oracle d'une mort prématurée devant les murs de Troie, sa mère l'envoya sous un déguisement de femme à la cour de Lycomède dans l'île de Syros. Culisse l'y découvrit en lui tendant un piège. Or, le bon pêcheur dont il est parlé plus haut, pour soustraire Yoritomo à ses ennemis, le fit habiller en fille, enveloppa son sabre dans de la paille et le conduisit lui-même en le mettant sur ses épaules jusqu'à Aobaka Noek, où le jeune homme désirait se rendre. Arrivé dans ce village, le nouvel Achille, en robe de femme, confia son sabre à une japonaise nommée Enju et se dirigea au nord vers le Gwanto. Il rencontra sur sa route un chef du parti de Taira, le parti du drapeau rouge. Il fut reconnu, fait prisonnier, conduit à Rokehara, où on le condamna à mort. Yoritomo était beau, il avait les charmes de la jeunesse. Une femme le sauva. Elle s'appelait Ikenohama et avait perdu un fils dont Yoritomo avait les traits. En souvenir de l'enfant qu'elle n'avait plus, elle demanda la grâce du jeune homme. Malgré un refus, insista, organisa une sorte de manifestation et obtint gain de cause. Le captif fut exilé dans l'île de Hiruga. « C'est un tigre qu'on lâche dans les champs », disaient ceux qui le voyaient passer avec sa figure noble et son regard indomptable. Placé d'abord sous la surveillance de la famille Sedo, il la compromit dans un mouvement hostile au parti rouge. Il fut alors confié à la famille de Ohijo, qui le prit en grande amitié. Onjio avait deux filles qu'on tenait cachées, suivant l'usage de la noblesse du pays. Yoritomo crut de son devoir de tomber amoureux d'une des filles de son gardien, afin de se ménager une intelligence dans la place. La difficulté était de faire un choix, n'ayant vu ni l'une ni l'autre des jeunes filles avec lesquelles pourtant il habitait. Il opta pour la cadette, or la cadette était fort laide. Et le serviteur chargé de lui porter une brûlante déclaration d'amour de la part du jeune guerrier pensa qu'il était beaucoup mieux dans l'intérêt de tous de remettre la lettre à la sœur aînée qui était fort belle. L'histoire ne dit pas si Yoritomo gronda le serviteur, mais les historiens assurent que la liaison du jeune homme et de l'aîné des sœurs devint des plus intimes. Sur ces entrefaites, le père arrivait de Kyoto avec un gendre tout trouvé qu'il avait rencontré en route et qui avait fait sa conquête. et voilà qu'au déboté, on lui apprend toute l'aventure des amours de sa fille. Vous croyez qu'il va se fâcher ou renvoyer le gendre de son choix et marier les amoureux. Vous ne connaissez pas la prudence féodale. Intérieurement, il se félicite d'avoir pris Yoritomo, le terrible, dans les filets roses et bleus de sa fille aînée, et faisant semblant de tout ignorer, il la marie à son protégé. Ce qui devait arriver arriva. Profitant d'une pluie torrentielle et d'une nuit noire, la jeune fille se sauve avec son amant le soir même de la noce. Et pendant que le mari cherchait sa femme, le beau-père se faisait l'allié du redoutable suborneur de sa fille. Par suite de quoi, toujours sous prétexte de drapeau rouge et de drapeau blanc, Yoritomo s'en va en guerre contre le mari de sa femme et le tue. Cet exploit décide les hésitants. Les vieux partisans blancs relèvent la tête, les mécontents, et il y en a toujours, se joignent aux vieux partisans blancs, si bien que le parti qu'on croyait mort devient une armée. Notez bien que tout cela se faisait par ordre du Mikado, ou plutôt en son nom. Quand il était là de voir flotter le drapeau rouge devant son palais, il décrétait que le parti blanc devait prendre les armes. C'était sa manière de changer de ministère. Et voici comment Yoritomo, pour avoir trop aimé une jeune fille qu'il n'aimait pas, devint chef de parti, gagna la bataille de Suruga et fit son entrée triomphale à Kamakura, qui devint son quartier général. Chapitre 18. Kamakura. Il va sans dire que ce n'est pas mon interprète qui me donne tous ces renseignements historiques. La seule indication que j'ai pu obtenir de lui, c'est que la tranchée d'Asahina avait été faite au Xe siècle par des bonzes, ce qui n'est pas très exact comme on sait. Il ne reste plus de l'ancienne splendeur de la résidence des premiers shoguns qu'un grand temple dédié à Hachiman, le dieu de la guerre, qu'il ne faut pas confondre avec Hachiman Taro, prince célèbre qui, avant Yoritomo, avait illustré Kamakura. Une avenue de 30 mètres de large et de 300 de long conduisait de la mer au temple. Puis on passait sous un grand torii de granit orné d'armatures élégantes en bronze vert. Après, se présentait un pont, également en granit, et imitant avec la pierre la complication harmonieuse d'un pont chinois fait de poutrelles cintrées. Alors on continuait son chemin par une autre avenue, dont les grands arbres sont encore debout, et qui est ornée d'immenses lanternes de pierre portées sur des socles élancés marqués aux armes d'Asahina. Il est probable que c'est ce prince ou sa famille qui en a fait cadeau au temple. Nous suivons cet itinéraire, et arrivons enfin au pied de la montagne, couverte de forêts et de jardins, ornée de terrasses immenses et d'escaliers monumentaux qui conduisent au sanctuaire. Avant de monter, on nous fait voir les curiosités des jardins qui sont dans la partie basse. Malgré les longues explications du vieux sacristain qui nous guide, car celui-là paraît savoir beaucoup de choses, je ne puis pas tirer de mon interprète le moindre renseignement satisfaisant. « Il ne dit que des bêtises, » s'écrie-t-il en parlant de l'employé sacré. Telle est la réponse aux nombreuses questions que j'adresse, telle est la traduction des dissertations loquaces du sacristain shintoïste. Les curiosités se composent du reste de grosses pierres naturelles, de petites grottes, de petits étangs et d'arbres historiques. Je comprends cependant, sans le secours de l'interprète et grâce à la pantomime du vieillard, qu'une grosse pierre noire qui affecte des formes féminines assez inconvenantes est l'objet d'un culte particulier de la part des femmes qui n'ont pas d'enfants. Des escaliers et des terrasses superposés nous mènent au grand temple dont on aperçoit le vaste toit pointu, noir et brillant, au milieu des arbres. Sur les terrasses, il y a des groupes de fougères arborescentes et des massifs d'arbres à fleurs roses qu'on appelle Sarusuberi à cause de leur écorce lisse. Le mot veut en effet dire que le singe lui-même glisse sur ses branches. Autour de ces fleurs roses voltigent d'énormes papillons noirs comme du velours aux contours anguleux et marqués sur les ailes basses de deux grosses taches orange vif. Au milieu de la dernière terrasse est une sorte de bâtiment vide qui sert à faire la prière, car le sanctuaire proprement dit, d'après les usages shintoïstes, ne doit pas recevoir les adorateurs. À côté de ce bâtiment, on montre un arbre gigantesque que les Japonais appellent Stichio et qui produit le fruit nommé guinan. C'est une espèce rare et vénérée. Celui que nous voyons a dû être planté par Hachiman, l'aïeul du Yoritomo. Enfin, un escalier en pierre large et raide conduit au temple principal. Tous les monuments sont en laque rouge, et les toits aux formes recourbées, aux surfaces en rainures, sont en laque noire. Tout autour du sanctuaire, il y a, dans des niches qu'on peut fermer, une sorte de musée historique en plein vent. D'abord, des objets curieux, des sabres, des masques, des instruments de musique, entre autres une flûte traversière, sorte de petit orgue à bouche. On nous montre le casque et la corde marine d'Ieyasu, shogun, qui transporta à Yedo la cour des lieutenants du Mikado. Ieyasu a sa statue placée à côté de celle des dieux, entre Benten, coiffée du torii doré, Vénus japonaise sortie de la mer, et Sai no Kami, dieu du bonheur. Ce dieu légendaire a sans doute existé. Il eut pour lui la bonne chance, mais il eut aussi la bonté qui facilite beaucoup les hasards heureux. Il fut successivement artiste, cordonnier, paysan, marchand. Il exerça tous les métiers pour faire fortune, mais un défaut l'empêchait de réussir. Il était trop généreux, et dès qu'il gagnait quelque argent, il le donnait. Néanmoins, cette manière de placer sa fortune dans la poche de ses amis lui fut des plus utiles. Ayant tenté la carrière des armes, il fut nommé général et eut de l'avancement. Même après sa mort, puisque la postérité l'a fait dieu, et dieu du bonheur qui plus est, connu sous le nom de Hohohana Mochi no Mikoto, ce qui n'est pas un nom commode à prononcer et à retenir, il a eu la suprême bonne fortune d'être honoré sous le titre plus simple de Sai no Kami. Il y a vraiment des gens qui sont nés sous d'heureuses étoiles. Je remarque un singulier casque de fer laqué en forme de canine recourbée. C'est, me dit-on, celui du complaisant beau-père du jeune Yoritomo. L'interprète m'embrouille légèrement par ses explications au sujet d'Alchimon le guerrier et de son patron Hachimon, le dieu du temple. Néanmoins, je suppose que le portrait et les armes qu'on montre ont appartenu au guerrier et que le sanctuaire est consacré au dieu. Hachimon, dieu du temple, était le fils de la célèbre impératrice Zingoo Kōgo, qui fit la conquête de la Corée grâce à un singulier vœu qui rappelle de loin, de très loin, celui d'Isabelle au siège de Grenade. La reine d'Espagne avait juré qu'elle ne changerait pas de chemise avant que la belle ville de Grenade ne fût prise sur les morts. Elle finit par prendre la ville et faire un peu de toilette. L'impératrice Zingoo laissa son mari à la garde de la maison et du Japon, puis s'en alla toute seule, ou du moins avec les meilleurs généraux du pays, à la conquête de la Corée. La campagne fut longue, dura près de 2 ans, et à son retour, Zingoo mit au monde un fils. On eut lieu d'être surpris, et l'empereur particulièrement dut faire quelques observations. Mais la souveraine victorieuse ferma la bouche aux mauvaises langues en proclamant qu'elle avait quitté le Japon dans une position des plus intéressantes, mais qu'elle avait fait vœu de ne pas être mère avant d'avoir pris la Corée. Grâce à une pierre sacrée cachée dans sa ceinture, le miracle se fit, la Corée fut prise et l'impératrice délivrée à la satisfaction générale. Des historiens disent que l'empereur était déjà mort lorsque Zingoo partit pour la Corée. Le prodige n'en serait que plus étonnant. Chapitre 19. Comment on cause entre grands hommes. L'histoire du Japon est dominée par le souvenir glorieux et retentissant de 3 shoguns, Yoritomo, Taiko, Ieyasu. Tous les 3 grands guerriers, habiles politiques, ambitieux et peu scrupuleux, ont su réduire au silence les différents partis, pacifier le pays et constituer l'unité du Japon. Yoritomo créa le shogunat 1192, organisa la féodalité sous la direction d'un chef guerrier aux ordres de l'empereur, mais agissant en dehors de l'initiative et de la responsabilité impériale. C'était un moyen de mettre la famille régnante au-dessus des troubles politiques. D'autant qu'à côté du shogun guerrier, il y avait une sorte de premier ministre, le Kuan Baku, régent de l'empire, et de qui dépendait la nomination du shogun. Taiko, 1586, pour venger son ancien maître, le shogun Nobunaga, qui, après avoir pacifié le pays, avait été tué dans son palais en flammes, Taiko, dis-je, détruisit l'influence des grands nobles, confisqua au profit du gouvernement les biens du clergé bouddhique, obtint le titre de Kuan Baku et se nomma lui-même shogun, afin de réunir dans les mêmes mains, les siennes, les pouvoirs militaires et les pouvoirs politiques. Ieyasu, lui, continua l'œuvre de Taïko et donna au pays les grandes institutions qui ont fait sa force et ont développé l'intelligence du peuple japonais. Route, canaux, écoles, administration, hiérarchie, il organisa et modela le royaume et ses habitants selon le désir de sa pensée vigoureuse. 1603. Il fit contre le christianisme grandissant ce que Taïko avait entrepris contre le bouddhisme turbulent. Mais sa tâche fut plus rude que celle de Taïko. Il ne put arriver à ses fins que par les tortures et les massacres. Yoritomo et Ieyasu ont ce trait commun qu'ils détruisirent leurs propres alliés une fois maîtres du pouvoir. Ieyasu avait promis à Taïko de réserver à Hideyori, fils naturel de ce dernier, le poste shogunal. Mais une fois élevé au rang suprême, il cerne le fils de Taïko dans la ville d'Osaka et brûle le palais du jeune prince. Yoritomo, après avoir détruit le parti du drapeau rouge, envoie ses deux frères, Noriyori et Yoshitsune, contre son allié, Yoshinaka, qu'on tue à la bataille d'Uzi. Puis, jaloux de son frère cadet, Yoshitsune, il cherche à le faire assassiner par un bonze exalté. Et n'ayant pas réussi, il lance sur lui ses soldats qui lui apportent la tête de son frère. Quant à Noriyori, le shogun s'en débarrasse en l'entourant de tant d'embûches que le guerrier épouvanté s'ouvre le ventre. L'histoire des frères d'Yoritomo occupe une large place dans les chroniques japonaises. Yoshitsune, surtout, est le favori des historiens et des littérateurs. Ce prince, jeune, beau, courageux, chevaleresque, avait, comme Achille, été élevé par un demi-dieu, l'adroit Tengu. Il fut l'Alexandre de son frère, qui avait toute la finesse de Philippe de Macédoine. Il fut le Roland des guerres du Moyen-Âge. Il fut le héros aimé et trahi, brillant et persécuté, vainqueur et décapité. Taïko n'a pas à se reprocher les ingratitudes politiques de ses confrères en shogunat et en gloire historique. Il était de basse extraction, quoique ayant eu de tout temps le droit de porter les deux sabres, car il était porte-sandale du shogun Nobunaga et non son beto, comme on le dit souvent. Il prit les armes pour venger son maître vaincu et tué. Il abaissa les nobles pour conserver le pouvoir au fils de Nobunaga. Mais comme cet enfant mourut jeune, Taïko retint dans sa main la puissance qu'il avait conquise pour son jeune maître. Taïko eut un jour une conversation avec Yoritomo qui vivait 300 ans avant lui. Voici comment cela se fit. On conserve à Kamakura, dans le musée que nous visitons, une statue en terre peinte représentant le premier shogun. Le portrait doit être des plus ressemblants car il a cette vérité d'expression, ce rendu, ce trompe-l'œil émouvant qui caractérise certaines œuvres des artistes japonais. Lorsque Taïko visita le temple d'Hachiman à Kamakura, il fut frappé de l'air vivant qu'avait cette statue. Il lui sembla que le célèbre guerrier le regardait d'une façon particulière, que la statue paraissait s'animer et vouloir parler, tout comme le même nom de Thèbes. Pour mieux l'entendre, le grand Kwan Baku monta sur l'estrade où était la représentation sacrée et se plaça tout à côté d'Yoritomo. Mais la statue resta muette. Alors Taïko, lui frappant sans cérémonie sur l'épaule, lui dit « Toi, tu es mon ami. Il n'y a que toi et moi qui, avec rien, nous soyons rendus maîtres du Tengoa, ciel et terre. Seulement tu es d'une famille illustre, et moi je suis fils du peuple. Néanmoins, je suis plus grand que toi. » Et comme la statue ne disait toujours rien, il ajouta « Je veux aller en Corée pour conquérir ce pays et dompter la Chine. Qu'en penses-tu ? » Yoritomo ne répondit pas. Il devait avoir ses raisons pour ça, car c'était un fin politique. Mais il paraît que Taïko vit à son regard que son projet était approuvé. Il leva une armée, y incorpora les mécontents qui le gênaient encore, et lança tous ses soldats sur la Corée, qui fut soumise et paya un tribut. La Corée a été de tout temps pour le Japon un dérivatif aux situations embarrassées. Les Japonais vainqueurs poursuivaient leur marche et s'attaquaient à la Chine lorsque Taïko mourut. On rappela l'armée et la Corée fut laissée tranquille. Fin de la section 7.